Unité 1. 2. Écoute et lis le dialogue. Bonjour. Salut. Qui c'est ? C'est Théo, un voisin. Salut Théo, moi je m'appelle Nicolas. Salut. Nicolas est un copain du basket. Et voici Camille, une amie du collège. Salut, ça va ? Oui, très bien. Théo ! Théo ! C'est ma mère. Allez, ciao. À plus. Salut. Au revoir. Il est sympa. Ha ha.